Bonjour, bienvenue sur Radio Béton, l'émission Vous êtes libre ce soir sur les logiciels libres et surtout la culture libre. Alors d'ailleurs, on commence avec une entrée très cinéma puisqu'on a modifié notre jingle pour l'occasion avec une bande-son qui vient d'un film, enfin d'un petit court-métrage plutôt. D'un petit court-métrage d'animation, voilà, c'est ça, qui a été réalisé par la Fondation Blender dont on va parler avec le logiciel Blender. Alors justement, Emmanuel, ce logiciel Blender, tu peux nous le présenter ? Ah, je dirais que Pierre le connaît aussi bien que moi, mais il est trop modeste. Blender, c'est une suite complète d'animation 3D qui permet de faire un petit peu tout ce qui est nécessaire pour faire par exemple des jeux vidéo, pour faire aussi des films en images de synthèse. Donc on peut définir des modèles 3D, les animer, les colorer et finalement faire un rendu pour obtenir de jolies vidéos, ouais, comme celle qu'a produit la Fondation Blender. Ouais, c'est un logiciel 3D qui est vraiment un couteau suisse parce qu'il va de la modélisation jusqu'à l'animation, etc. Et il fait vraiment plein de choses en 3D. Mais par contre, si vous voulez apprendre Blender et que vous connaissez la modélisation 2D, vous verrez, c'est largement différent. Il faut l'apprendre. Il faut du courage. Oui, c'est vrai. Il faut vraiment du courage. Et par contre, derrière Blender, il y a eu quand même au départ une entreprise. Alors, on va expliquer un peu comment Blender a commencé, et comment c'est devenu un logiciel libre, etc. peut-être. Au départ, c'était en 98. C'est un informaticien hollandais qui a créé quelque chose qui s'appelait Blender. Et voilà, c'était une des premières versions de ce logiciel. Et il voulait la commercialiser comme un logiciel propriétaire. Il a réussi à trouver des investisseurs. Sauf que 4 ans plus tard, les investisseurs ne voyaient pas vraiment de retour sur investissement. Et ils ont dit, on arrête l'affaire. À ce moment-là, Ton Rosendahl, le créateur de Blender, se disait que ça serait dommage de s'arrêter sur une faillite. Et il a voulu continuer le développement de son outil en tant que logiciel libre. Et pour ça, il fallait racheter le logiciel à ses propriétaires, qui étaient ses actionnaires. Et donc, comme il n'avait pas 100 000 euros dans les poches, eh bien, il a lancé une grande souscription. Et des milliers de gens ont chacun donné un petit peu de leur argent pour libérer Blender. Et ils ont finalement réussi à racheter le droit d'auteur de Blender pour 100 000 euros. Voilà, les investisseurs ont accepté de redonner Blender contre 100 000 euros. Or, sachant que cet appel à la donation a particulièrement bien fonctionné parce que Blender était déjà beaucoup utilisé par les graphistes, etc. Et donc, il y avait une base d'utilisateurs large qui a contribué à racheter le projet et à le libérer. Donc, maintenant, il est sous une licence libre et il y a une base de développeurs, une base d'utilisateurs qui y contribuent activement. On n'est plus sous un modèle propriétaire. Alors, justement, cette base d'utilisateurs est représentée par une fondation, la Fondation Blender. Facile, et qui emploie à plein temps Tom Rosendahl, c'est ça ? Oui. Tom Rosendahl pour continuer à développer Blender. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, Blender est assez peu utilisé dans les milieux du cinéma, même s'il est assez présent chez les graphistes 3D, même professionnels. C'est vraiment reconnu comme une référence. Et donc, pour essayer de montrer les possibilités de Blender pour un usage professionnel dans le milieu du cinéma et aussi du jeu vidéo, la Fondation Blender a lancé plusieurs projets qui servent de démonstration technique par rapport à leur outil. Et donc, à chacun de ces projets, on a donné le nom d'un fruit. Historiquement, le premier, c'était le projet Orange, qui était un petit court-métrage qui s'est plus tard appelé Elephant's Dream, c'est le nom du film. Et personnellement, j'ai pas trop compris l'histoire. Pierre, t'as l'air d'avoir compris. Je sais pas, moi j'ai bien aimé, c'est sûr que c'est un petit film qui est fait pour rester assez mystérieux. Enfin, le concept, c'est qu'il y a deux personnages qui sont dans un monde futuriste, mécanisé et assez inhumain en fait, assez... tout est carré, tout est prévu pour fonctionner, c'est le monde de la machine, quoi. Il y a deux personnages, donc un vieil homme qui est convaincu de la perfection de ce monde et qu'il faut surtout pas en sortir parce que les forces de la nature sont dangereuses, etc. Et un autre homme plus jeune qui lui doute de ce monde mécanique et qui serait curieux de découvrir le monde, un autre monde en fait, qui se pose plein de questions, qui essaye de visiter. Au fur et à mesure du film, ça va devenir un peu un combat entre les deux, et ce combat va être incarné par des changements de décor, et au fur et à mesure, la nature va se mettre à envahir le monde immatériel. Voilà. Donc en 10 minutes, on a un film qui est assez abstrait, peut-être pas simple à comprendre, parce que moi j'avoue, la première fois, j'ai pas capté tout ce qui s'est passé, mais au final, je l'ai vu 2-3 fois et je le trouve bien sympa. En tout cas, je l'ai largement préféré au deuxième film, donc qui doit être le projet Peach, c'est ça ? Oui, c'est... Et donc, le nom de ce deuxième film, c'est Big Bugs Bunny. Bug Bunny, ouais. que Emmanuel a préféré, semble-t-il. Peut-être. Peut-être parce que ce film-là est assez grand public, vous pouvez le montrer à un enfant, il comprendra de quoi il s'agit. Je dirais que ça rappelle un petit peu les vieux dessins animés américains des années 30-40 avec des animaux du genre Tex Avery. Ouais, c'est complètement dans le style cartoon comme... Même si graphiquement après c'est vraiment du film d'animation des années 2000... c'est aussi beau que ce que produit Pixar et les autres. Mais le principe, c'est un gros lapin qui aime bien les papillons, qui aime bien la nature, qui aime bien la vie. Et sauf qu'il est dérangé, persécuté par trois petits rongeurs qui s'appellent Franky, Ricky et Gamera, il me semble. Ce sont un écureuil volant et puis un mulot. Ces méchants petits rongeurs énervent tellement notre gros lapin que celui-ci veut prendre sa revanche. Et cette revanche sera assez terrible puisque... On ne la racontera pas. On ne la racontera pas. Dans tous les cas, ces films, ils sont libres, on peut les retrouver sur Internet. Alors on va vous dire où, mais on va vous faire un peu patienter avant puisqu'on va vous diffuser une musique. Alors Emmanuel, c'est toi qui as choisi la musique, je crois. Oui, c'est un morceau du groupe Silence is Sexy. Un groupe qui normalement fait du pop-rock, et là, ils ont fait un petit arrangement avec un orchestre cubain. Vous verrez, c'est assez surprenant. We'll be right back. Voilà, c'était Come Back to You de Salut Sissi, sous licence Creative Commons by NCSA. Et donc on revient à Blender pour dire qu'en fait derrière le projet Big Bug Bunny, il y a encore eu un troisième projet qui était basé sur les mêmes modèles que Big Bug Bunny, puisqu'on retrouve les personnages, mais sauf que c'était un jeu vidéo. On vous en dira pas trop non plus, parce que personnellement, on est pas trop joueur. On l'a même pas testé, on n'est pas bon. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, ça a l'air assez sympa. C'est un jeu de plateforme en 3D, tout ce qu'il y a de plus moderne, et qui graphiquement paraît assez bien. Et ce projet-là s'appelait le projet Abricot. Et le quatrième projet de la Fondation Blender, qui est en cours de réalisation, c'est le projet Durian, du nom d'un fruit exotique qui paraît-il est très bon mais couvert d'épines. Et la particularité ici, c'est de faire une histoire d'heroic fantasy qui plaise aux adolescents, avec un personnage féminin, avec des dragons. On peut s'attendre à quelque chose d'un peu différent. Ouais, il cherche à faire des ambiances différentes à chaque fois pour montrer à quel point c'est utilisable dans des contextes de films ou de réalisations complètement différentes en fait. Et puis aussi, ces projets-là ne sont pas explicitement faits dans un but lucratif, puisque les licences de ces films ou de ces jeux sont des Creative Commons, tout comme la musique libre, c'est des Creative Commons by SA. Et puis, faut quand même les financer. Et donc, on fait appel aux donations du public pour financer ces projets. Et aussi et surtout à la vente de DVD. Ils permettent de commander des DVD, alors, soit des précommandes avant que la réalisation soit faite, soit une fois la sortie effectuée, on peut commander un DVD et celui-ci est livré. Bon, ça coûte 30 euros, je crois, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Alors, tous les projets, on a dit qu'ils sont sous licence Creative Commons, donc on les retrouve sur le site de la Fondation Blender. Donc, vous trouverez assez facilement ce site. Blender.org. Ouais, Blender.org. Très bien. Sur Blender.org, vous avez toutes ces réalisations. Et puis sinon, si jamais vous êtes curieux et que vous avez envie de tester, je vous invite aussi quand même si on a dit que c'était difficile, à tester Blender si vous avez envie de vous mettre à la 3D, à faire des réalisations 3D sur informatique. Pareil, complètement libre, donc gratuit. On trouve ça sous Linux, sous Windows, sous Mac, gratuitement sur le site. D'ailleurs, si vous voulez apprendre, il y a différents petits cours que vous pourrez trouver, par exemple, sur le site du zéro.com. C'est quelque chose d'assez accessible, même si vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête. Et puis, ce qui est intéressant aussi avec ces projets, c'est que vous pouvez retrouver aussi les modèles qui ont servi à mettre en place ces vidéos, pour après, si vous le voulez, faire des œuvres dérivées. C'est pas interdit, c'est aussi le jeu. C'est même encouragé. Alors, on va finir l'émission pour vous parler d'un événement qui se passe très très prochainement à Tours. On en a déjà parlé quand on a invité Simon du projet OpenStreetMap. Alors, si vous avez raté l'émission, eh ben, allez l'écouter sur notre blog, hein, www.velcs.info. Alors, ce projet OpenStreetMap organise une mapping party. Une mapping party, c'est-à-dire que on sort dans la rue, on cartographie les rues, etc. Enfin, si vous n'avez pas suivi, c'est pas grave. Il y aura des vétérans pour expliquer comment ça se passe. Et donc, le rendez-vous, c'est le 30 janvier à 14h, c'est ça ? À 14h, au Serpent en volant. Voilà, dans le centre-ville de Tours, un bar bien sympa. Eh ben, je crois que on va arrêter là. Oui. Voilà, ben j'espère que vous avez bien aimé l'émission. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.